moi d'aller au bout du monde, j'irai. Et si je te disais le contraire, je mentirais. Ne doute pas de toi, tu es ma number one, number one, number one. Et les mots c'est compliqué. Est-ce que tu sauras lire dans mes pensées? Ah, c'est ma façon de t'aimer. Mon cœur est censuré par la fierté. Je sais que c'est mal, tu voudrais que je parle. C'est important pour toi de savoir. Mais n'attends pas, je vais te décevoir. Je ne parle pas, mais je vais te faire voir. Mais ma señorita, l'amour que j'ai pour toi dépasse de loin tous les mots. Mais tu ne le sens pas, je sais que tu ne m'entends pas. Car je suis rempli d'élo. Ma fierté va me tuer, je serai attiré. Mais t'es la seule qui pourra tout endurer. Oh ma señorita, l'amour que j'ai pour toi dépasse de loin tous les mots. Puerto Rico, Jordan, Gabbana. Simito, gracias y pez nada. Tu m'aimes mucho, bientôt je te fais l'hana. Qui te pinco, je vais assumer. Rouge coquelico, tes lèvres m'enivent, chica. Noir pépito, je fonds quand tu bouges, chica. Fier comme Esco, baisse le regard, chica. Je suis ton capo, je vais assurer. Où le vent nous emmènera, tu seras près de moi. Je suis la moitié des normes, j'ai tellement besoin de nous. Même si je te le montre pas, la rue ne mourra pas. Je me dois de te rassurer. L'amour que j'ai pour toi, tu passes loin tous les mots. Mais tu ne le sens pas, je sais que tu ne m'entends pas. Car je suis rempli d'élan. Ma fierté va me tuer sur la durée. Mais t'es la seule qui pourra tout endurer. Oh ma señorita, l'amour que j'ai pour toi, tu passes loin tous les mots. Tu connais ma vie, mais tu me poses 21 questions. Je suis pas ton ami si je peux être ton amant. Je suis focus sur toi, mais je te fais croire que j'ai pas le temps pour ça, ni pour ça, ni pour ça. Je ne m'abandonnerai pas totalement, de peur de ne pas avoir tout équivalent à ce que tu reçois. J'entends déjà le compte à bout. Ma fierté me tue, ma fierté me tue. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal au fond. Ça fait mal dans le fond. Ma señorita, l'amour que j'ai pour toi, tu passes loin tous les mots.